Chapitre 6e. Le 10, nous quittâmes les îles du tropique et nous fîmes route une seconde fois vers la Nouvelle-Zélande. 4 mois s'étaient écoulés depuis notre départ de cette île. Dans cet intervalle, nous avions traversé la mer du Sud par des latitudes moyennes au milieu de l'hiver. Nous avions exploré un espace de plus de 40 degrés de longitude entre les tropiques et rafraîchi les équipages à Tahiti, aux îles de la Société et aux îles des Amis pendant 31 jours. La saison de continuer notre découverte dans les hautes latitudes méridionales s'avançait, et les rochers sauvages de la Nouvelle-Zélande devaient nous prêter une seconde fois leur asile. Dès que nous eûmes quitté la zone torride, les troupes d'oiseaux de mer suivirent les vaisseaux et voltigèrent autour de nous. Le 12, nous aperçûmes un albatros. Ces oiseaux, qui n'ont jamais passé le tropique, vont et viennent de là jusqu'au cercle polaire. La nuit du 16, plusieurs méduses passèrent près du vaisseau. Nous les reconnûmes à leur lueur phosphorescente. Elles étaient si lumineuses que le fond de la mer semblait contenir des étoiles plus brillantes que celles du firmament. Le 21, nous eûmes vu de la Nouvelle-Zélande. Nous découvrîmes les huttes et les forteresses des naturels, semblables à des nids d'aigles placés au sommet des rochers. Dès que nous eûmes rallié l'aventure, nous fîmes route pour le Cap Kidnappers, que nous doublâmes à 5 heures du matin, et nous continuâmes de côtoyer le rivage jusqu'à 9 heures. La première pirogue qui nous aborda n'avait à son bord que des pêcheurs qui nous vendirent du poisson pour des pièces d'étoffe et des clous. La seconde était montée par 2 Indiens, que leurs vêtements et leur allure me firent prendre pour des chefs. Nous les engageâmes à monter sur le pont en leur présentant des clous et autres articles. Ces insulaires n'avaient pas oublié l'Endeavo. Ils connaissaient les effets terribles des pièces de canon et disaient en avoir peur. L'un de ces 2 Indiens était d'une grande taille et d'âge moyen. Il était vêtu d'une étoffe de lin de la Nouvelle-Zélande disposée d'une façon que nous voyions pour la première fois. Ses cheveux, arrangés suivant la dernière mode du pays, étaient attachés au-dessus de la tête, huilés et garnis de plumes blanches. Il portait à chaque oreille un morceau de peau d'albatros, couvert encore de son duvet blanc, et son visage était tatoué de lignes courbes et spirales. Nous forçâmes de voile. L'après-midi, le vent fraîchit considérablement et souffla par grains très violents. Dans un de ces grains, nous perdîmes notre petit mât de perroquet. Le 24, nous fûmes assaillis par un vent encore plus impétueux. Les vagues s'élevaient très haut et se prolongeaient à une grande distance. La violence des rafales est dispersée en vapeurs qui embrumaient de toutes parts la surface de la mer, et comme le soleil brillait dans un ciel sans nuages, l'écume blanche éblouissait les yeux. Nous roulions çà et là à la merci des flots, nous embarquions souvent de grosses lames qui balayaient nos ponts avec une vitesse prodigieuse, détruisant tout ce qu'elle touchait. Dans un de ces énormes roulis, la caisse d'armes placée sur le carrière d'arrière fut bousculée, culbutée, et sans le grillage du plat-bord, elle serait tombée à la mer. L'aspect de l'océan était alors superbe et terrible. Tantôt au sommet d'une grosse vague, nous contemplions une vaste étendue sillonnée par un nombre infini de canaux profonds. D'autres fois, la vague se brisait subitement sous nous et nous plongeait dans une vallée profonde, tandis qu'une nouvelle montagne s'élevait à nos côtés et de sa tête écumante menaçait de nous engloutir. La nuit amena de nouvelles horreurs. L'eau remplissait les lits de tous les postes, et d'ailleurs, le rugissement épouvantable des vagues, le craquement des couples n'était égalé que par les cris des matelots qui arrivaient à dominer le bruit du vent et de la mer en fureur. Accoutumés au danger, l'image de la mort n'arrêtait point leur blasphème. Il n'y a rien de comparable à l'horrible énergie de leurs imprécations. À minuit, le vent diminua, et nous parvînmes à gouverner vers la terre, dont la tempête nous avait écartés. Mais l'aventure se trouvait en arrière, et nous ne la revîmes point. Nous allâmes à sa recherche jusqu'au 3 novembre. Pensant alors qu'elle était entrée dans le détroit, nous résolûmes d'aller relâcher dans l'anse du vaisseau où nous avions mouillé la dernière fois et d'où nous étions partis le 7 juin, près de 5 mois auparavant. Notre première occupation, après avoir amarré, fut de dégrayer toutes nos voiles. Il n'y avait pas une seule qui n'eût besoin d'être réparée. Notre voilure et nos manœuvres avaient extrêmement souffert. Aussitôt que nous eûmes mouillé, nous eûmes la visite des habitants, parmi lesquels j'en reconnus plusieurs que j'avais vus en 1770. Nous les appelâmes par leur nom, ce qui leur causa une grande joie. Sans doute ils crurent que nous nous intéressions à eux, puisque nous les portions dans notre pensée. Le temps était beau et l'air chaud pour la saison, mais ces Indiens étaient tous couverts de ces manteaux déguenillés dont ils se revêtent pendant l'hiver. Nous allâmes à terre le matin et l'après-midi, et nous nous ouvrîmes un passage à travers un labyrinthe de lianes entrelacées d'un arbre à l'autre. Eudidée, qui était avec nous, erra de son côté au milieu de ces forêts touffues, et il fut fort surpris d'y trouver un grand nombre d'oiseaux dont le chant était très agréable et le plumage très joli. Nous en tirâmes plusieurs. Eudidée, qui de sa vie n'avait jamais manié d'armes à feu, en tua un du premier coup. Les sens des peuples qui ne sont pas trop policés sont infiniment meilleurs que les nôtres. Nous fûmes surtout bien convaincus de cette vérité à Tahiti, où les naturels nous montraient souvent de petits oiseaux dans l'épaisseur des arbres ou des canards parmi les roseaux, et aucun de nous ne pouvait les apercevoir. Le 5, j'ordonnai qu'on ouvrit les tonneaux qui contenaient la majeure partie de notre pain, et nous eûmes le chagrin d'en trouver beaucoup de gâtés. Pour atténuer cet accident, autant qu'il dépendait de nous, tous les tonneaux furent défoncés, et à mesure qu'on tirait ce biscuit, le tonnelier mit au four celui qui avait été endommagé afin de le faire revenir. Nous vîmes parmi les habitants la plus jeune des deux truies que le capitaine Furneaux avait laissée à l'anse des cannibales lors de notre dernier séjour. Nous allâmes examiner nos plantations, et comme les insulaires avaient abandonné aux soins de la nature les semences qu'ils avaient reçues de nous, nous les trouvâmes dans un état florissant, à l'exception des patates, qui pour la plupart avaient été déterrées. L'hiver est fort doux dans cette partie de la Nouvelle-Zélande, puisqu'il ne gèle pas assez fort pour faire périr des plantes qui meurent chez nous. Le 6 novembre, je me rendis à l'anse qu'habitaient les insulaires pour y jeter la senne. Nous ne fûmes pas plus heureux dans notre pêche que la première fois, mais nous achetâmes des naturels une assez grande quantité de poissons. En faisant cette emplette, je remarquai que les Indiens avaient beaucoup d'inclination à fouiller dans mes poches et qu'ils en retiraient d'une main le poisson qu'ils venaient de nous donner de l'autre. Un de leurs chefs entreprit de mettre un terme à ce scandale, et avec des yeux où se peignait la colère, il fit semblant de vouloir écarter la foule. Je louai sa conduite, et en même temps je l'observais si bien que je le surpris tirant mon mouchoir de ma poche. Je le lui laissai mettre dans son sein sans paraître m'en apercevoir, puis je lui dis ce que j'avais perdu. Il feignit d'ignorer le vol, et lorsque je lui montrai le mouchoir, il le rendit en riant, et jouant si bien l'innocence et la surprise qu'il me fut impossible de me fâcher contre lui, de sorte que nous restâmes amis et qu'il m'accompagnait à bord pour y dîner. Le 15, étant descendu à la baie de l'Est, nous gravîmes les montagnes qui commandent la partie orientale du détroit pour tâcher de découvrir l'aventure. Nous fîmes en pure perte une course fatigante, car parvenus au sommet, l'horizon se trouva tellement embrumé à l'Est que la vue ne s'étendait pas à plus de 2000. Je commençais dès lors à désespérer de revoir le bâtiment du capitaine Furneaux, et je ne pouvais concevoir ce qu'il était devenu. J'avais pensé jusque-là qu'il avait gagné quelques ports du détroit, mais il n'était pas possible qu'il restât 12 jours dans notre voisinage sans qu'on le vît ou qu'on entendît ses signaux. En retournant au vaisseau, nous rencontrâmes 7 ou 8 pirogues qui arrivaient du nord. Les autres vinrent à bord avec une grande quantité de vêtements qu'ils nous vendirent. Dans cette seconde relâche, nous ne les avions jamais vus si bien natifés. Leurs cheveux étaient noués au sommet de la tête et leurs joues peintes en rouge. Nous ne doutâmes plus alors qu'ils ne fussent allés combattre, car ils se parent dans ces occasions le mieux qu'il leur est possible. Je crains bien que notre présence n'ait ranimé de malheurs différents entre les tribus. Les officiers de notre équipage, non contents d'acheter les haches de pierre, les patou-patou, les haches de bataille, les étoffes, les pierres vertes, les hameçons, etc., qu'on nous apportait, en demandaient sans cesse d'autres et montraient aux insulaires des pièces d'étoffes si précieuses pour eux que certainement elles excitaient leurs désirs. Il est fort vraisemblable que dès que ces fantaisies s'emparent de l'esprit des Zélandais, ils pensent que le meilleur et le plus court moyen de les satisfaire est d'aller dépouiller leurs voisins de ces richesses recherchées par les étrangers. La grande quantité d'armes, d'ornements et d'étoffes qu'ils étalèrent alors semble prouver qu'ils venaient d'user de cet infâme moyen pour nous satisfaire. De plus, quelques officiers qui les visitèrent dans leur maison y trouvèrent des os humains. Le 23, ils trouvèrent sur la plage la tête et les entrailles d'un jeune homme tué depuis peu, et le cœur enfilé un bâton fourchu arboré à l'avant d'une de leurs grandes pirogues. L'un des officiers acheta cette tête, qu'il apporta à bord, où un morceau de la chair fut grillé et mangé par un Indien en présence de tous les officiers et de la plus grande partie de l'équipage. J'étais alors à terre, et je fus informé de cette circonstance à mon retour à bord. J'y trouvai une foule d'insulaires, et la tête mutilée dont les restes annonçaient un jeune homme de moins de 20 ans. Cette vue et les détails de l'affreuse scène qui venait de se passer me saisirent d'horreur et d'indignation contre ces cannibales. Mais considérant que c'était un mal sans remède, la curiosité l'emporta sur la colère, et voulant être témoin d'un fait que tant de gens révoquent en doute, j'ordonnai qu'on fît griller un morceau de cette chair et qu'on le portât sur la gaillarde arrière. Ce mets détestable ne leur fut pas plutôt offert qu'un des anthropophages le mangea avec une avidité surprenante. À cet odieux spectacle, quelques personnes de l'équipage se trouvèrent mal. Eudidée, qui était revenu avec moi à bord, en fut tellement affecté qu'il devint immobile de stupeur. Son agitation se peignit dans tous ses traits d'une manière impossible à décrire. Revenu de cet état, il fondit en larmes et fit de vifs reproches aux Indiens, les traitant d'hommes méprisables et leur disant qu'il n'était pas ni ne serait jamais leur ami. Il ne souffrit pas même qu'ils le touchassent. Il tint le même langage à celui qui avait coupé le morceau de chair et ne voulut point accepter le couteau qui avait servi à cette opération. À 4 heures du matin, le 24, nous démarrâmes dans le dessein de reprendre la mer. Dès que nous eûmes quitté la grève, les naturels s'y rendirent à l'instant, et voyant un tas de mauvais biscuits que nous avions jetés comme gâtés, ils se précipitèrent dessus et les mangèrent tous avec avidité, quoique nos cochons eussent refusé d'y toucher. Ils n'y furent certainement pas poussés par la faim, puisqu'ils avaient en abondance du poisson frais, dont ils nous vendaient chaque jour assez pour notre consommation. C'est plutôt parce que leur goût était différent du nôtre, et parce que ce pain avait le mérite d'être nouveau pour eux, qui sont accoutumés à se nourrir de poissons. Avant de faire voile, j'écrivis un billet où je marquais la date de notre dernière arrivée dans le détroit, le jour de notre départ, la route que je me proposais de suivre, et quelques autres instructions que je jugeais nécessaires pour le capitaine Furneau au cas où il viendrait relâcher ici. Je mis ce papier dans une bouteille que j'enterrai au pied d'un arbre, de façon à ce qu'elle pût être trouvée par cet officier ou quelque autre Européen. Néanmoins, je ne pus me résoudre à quitter la côte avant de faire de nouvelles recherches, mais tous mes efforts furent inutiles. Heureusement, la disparition de l'aventure ne découragea personne. Le 26, à 8 heures du soir, je pris mon point de départ du Cap Palisère et je gouvernai au sud. Le 6 décembre, nous étions aux antipodes de nos amis de Londres et par conséquent à la plus grande distance possible d'eux. Chacun de nous donna au souvenir de sa patrie un tendre et légitime soupir. Le 10, à midi, nous étions par 54 degrés de latitude sud sans avoir rencontré de glace, quoique l'année précédente, à la même époque, nous en eussions trouvé entre les 50e et 51e degrés de latitude. Ces différences proviennent peut-être d'un changement de la direction du vent et des courants. Le 13, il tomba une quantité prodigieuse de neige qui remplissait tellement l'atmosphère que nous ne voyions pas à 15 pas devant nous. Eudidée admira ce phénomène, absolument inconnu dans son pays. Ces pierres blanches, qui fondaient entre ses mains, étaient miraculeuses pour lui. Et quoi qu'on essayât de lui expliquer que le froid contribuait à leur formation, je crois que ses idées à ce sujet n'étaient pas fort claires. Les premières glaces passèrent sans qu'il les vît, parce que nous les rencontrâmes de trop bonne heure dans la matinée. Mais 2 jours après, à environ 65 degrés de latitude sud, il fut frappé d'étonnement en regardant un gros glaçon et lorsqu'il découvrit le lendemain une énorme plaine de glace qui nous empêchait d'avancer plus loin au sud, il témoigna un grand plaisir parce qu'il croyait que c'était une terre. On lui dit qu'il se trompait et qu'il n'avait sous les yeux que de l'eau durcie. Mais nous ne pûmes le lui persuader qu'en lui montrant la glace qui s'était formée dans des futailles sur le pont. Il nous assura cependant qu'à tout événement il voulait lui donner le nom de terre blanche afin de la distinguer de tout le reste. Il avait rassemblé à la Nouvelle-Zélande un certain nombre de petites baguettes dont il faisait soigneusement un paquet, ce qui lui tenait lieu de journal. À chaque île qu'il avait vue et visitée depuis son départ des îles de la Société, il avait ajouté une petite baguette, de sorte que sa collection montait à 9 ou 10, dont il se rappelait très bien les noms. La Terre Blanche était la dernière. Il demandait souvent à combien d'autres pays nous aborderions en allant en Angleterre, et d'après quelques noms qu'on lui dit, il forma un paquet séparé, qu'il étudiait avec autant de soin que le premier. L'ennui de cette partie de notre voyage le rendait probablement empressé d'en connaître la fin, et les provisions salées, la froideur du climat, contribuaient à le dégoûter. En sortant d'un danger, nous rentrions dans un autre. Le temps était brumeux, et plusieurs grandes îles de glace embarrassaient notre route. Nous fûmes sur le point de nous briser sur l'une d'elles. Si cela était arrivé, le vaisseau et tous les hommes de l'équipage, sans aucune exception, auraient péri. Ces obstacles, joints au peu de probabilité de les reconnaître à cause de la glace, en supposant qu'on en découvrait une, me décidèrent à remettre le cap au nord. Quand nous virâmes, nous étions par 159 degrés 20 minutes de longitude ouest et 66 degrés de latitude sud. Nous continuâmes de marcher au nord. Le 17, le temps clair et le vent qui tourna au nord-ouest m'inspirèrent le désir de gouverner au sud, ce que je fis jusqu'au 29, 7 heures du matin. Alors, le vent passant au nord-ouest et le ciel se couvrant de nuages, je cinglai au sud-est. Le 23, par 67 degrés 20 minutes de latitude et 137 degrés de longitude, nous rencontrâmes une quantité si prodigieuse de glace flottante qu'elle couvrait la mer dans toute l'étendue du sud à l'est. Elles étaient si épaisses et si serrées qu'elles obstruaient entièrement notre passage. Le froid était si vif que nos bateaux restèrent jusqu'à 8 heures pour faire de l'eau douce. Nos cordages étaient aussi durs que du fil d'argent. Les voiles ressemblaient à des planches de bois ou des plaques de métal. Les manœuvres étaient impraticables. Dans une situation si défavorable, il était naturel de penser à retourner au nord, puisqu'il n'y avait point de probabilité de trouver une terre en ces parages, et qu'il ne paraissait pas possible de s'avancer plus loin vers le sud. J'aurais eu tort de m'avancer plus loin à l'est, dans cette latitude, non seulement à cause de la glace, mais parce que j'aurais laissé au nord, sans le reconnaître, un espace de mer s'étendant sur 24 degrés de latitude où il pouvait y avoir une grande terre. Le 24, par 27 degrés de latitude et 138 degrés 15 minutes de longitude, comme nous avancions au nord-ouest, nous nous vîmes entourés de près de 100 îles de glace. C'est ainsi que nous passâmes la nuit de Noël. Heureusement, il n'y avait pas à proprement parler de nuit, et le temps était clair, car avec la brume des jours précédents, il aurait fallu un miracle pour conserver le vaisseau. On donna aux matelots une double ration de pudding, et ils burent l'eau-de-vie de leur ration, qu'ils avaient épargnée quelques mois d'avance pour cette solennité. La vue d'une quantité innombrable de glace au milieu desquelles nous dérivions à la merci du courant, au risque de faire naufrage à chaque instant contre une de ces masses, ne les empêcha pas de se livrer à leurs amusements favoris, et tant qu'il leur resta de l'eau-de-vie, ils fêtèrent Noël en bons chrétiens. La longue habitude de la mer leur inspire du mépris pour les périls. La fatigue et l'inclémence du ciel, endurcissant leurs muscles et leurs nerfs, les rendent insensibles. Du moins, ils se consolent en s'enivrant. Tant que nous restâmes dans les hautes latitudes australes, nous n'eûmes presque point de nuit et nous pûmes écrire à minuit à la lueur du soleil. Cet astre restait si peu de temps au-dessous de l'horizon qu'un crépuscule très lumineux ne cessait pas de nous éclairer. Ce phénomène frappa d'étonnement Eudidée, qui voulait à peine en croire ses sens. Nous fîmes en vain des efforts pour le lui expliquer. Il nous assura que ses compatriotes le traiteraient de menteur quand il leur parlerait de la pluie pétrifiée et du jour perpétuel. Plusieurs personnes furent attaquées de rhumatisme et obligées de garder le lit. Le scorbut ne se montrait pas encore sous un aspect effrayant. Mais tous ceux qui en avaient de légers symptômes burent 2 fois par jour du moût de bière frais et s'abstinrent autant que possible de viande salée. La langueur générale, le visage pâle de presque tout le monde, semblait nous menacer de suites plus funestes. Moi-même, j'étais très maigre et sans appétit. Cet état devenait d'autant plus insupportable à l'équipage qu'il n'y avait pas espoir de retourner en Angleterre cette année, et qu'il ignorait le terme de cette navigation. Il y eut un moment de découragement, mais peu à peu les matelots se résignèrent. Nous passâmes près de 5 semaines dans cette situation, et notre voyage ne saurait être comparé à aucun autre pour les fatigues et les maux qui l'accompagnèrent. Il nous sembla que tout notre être se desséchait, et nous devenions indifférents à tout ce qui, en d'autres temps, anime la vie. Nous avions sacrifié notre santé, nos sentiments, nos jouissances, à la gloire de naviguer dans des parages inconnus jusqu'alors. Le 30 janvier 1774, nous remarquâmes qu'au sud, les nuages au-dessus de l'horizon étaient d'un blanc de neige très brillant. C'est le signe ordinaire d'une plaine de glace. Bientôt, on la découvrit du haut des mâts, et à 8 heures, nous étions près de ses bords. Elle s'étendait, à l'est et à l'ouest, bien au-delà de la portée de notre vue, et la moitié de l'horizon étant éclairée par des rayons qu'elle réfléchissait jusqu'à une hauteur considérable. Je comptais distinctement sur cette plaine 97 collines de glace, outre celles qui étaient sur les bords et qui ressemblaient à une chaîne de montagnes s'élevant les unes sur les autres et se perdant dans les nuages. On n'avait jamais vu, je pense, de banquise pareille dans les mers du Groenland. Du moins, je n'ai le point ouï dire, de sorte qu'on ne doit pas établir une comparaison entre les glaces du nord et celles de ces parages. Je ne dirais pas qu'il fut partout impossible d'avancer plus loin au sud, mais la tentative aurait été dangereuse et téméraire. Dans ma position, aucun navigateur n'y aurait pensé. À la vérité, mon opinion, ainsi que celle de la plupart des officiers, était que cette glace s'étendait jusqu'au pôle, ou que peut-être elle touchait à quelque terre à laquelle elle est fixée de temps immémorial. Nous pensions aussi qu'au sud de ce parallèle se forment toutes les glaces que nous trouvions éparses au nord, qu'elles en sont ensuite détachées par des coups de vent ou par d'autres causes, et jetées au nord par les courants que dans les latitudes élevées nous avons toujours vu suivre ces directions. Comme j'avais l'intention d'aller plus loin qu'aucun des premiers navigateurs, et aussi avant qu'il ait permis à un homme de s'avancer, je ne fus pas fâché de rencontrer cet obstacle. Il ne me restait plus aucun moyen de marcher un pouce plus avant au sud, et je revirai au nord. Nous étions alors par 71 degrés 19 minutes de la latitude sud et 106 degrés 54 minutes de longitude ouest. Je me proposais d'abord de rechercher la terre qu'on dit avoir été découverte par Juan Fernandez, il y a environ un siècle, dans le 38e parallèle. Si je ne la trouvais pas, de chercher l'île de Pâques ou terre de Davis, dont on connaît si peu la position que les tentatives faites dernièrement pour la trouver n'ont pas réussi. Je projetai ensuite d'entrer dans la zone tropicale et de m'avancer à l'ouest, relâchant sur les îles que je rencontrerais, jusqu'à notre arrivée à Tahiti où il fallait m'arrêter pour apprendre des nouvelles de l'aventure. Je pensais aussi à porter à l'ouest jusqu'à la terre australe du Saint-Esprit, découverte par Quiros, et que M. de Bougainville appelle les Grandes Cyclades. Cette terre reconnue, mon dessein était de gouverner au sud et de retourner à l'est entre le 50e parallèle ou le 60e, me proposant, s'il était possible, de gagner le travers du Cap Horn au mois de novembre suivant, époque à laquelle nous aurions devant nous la meilleure partie de l'été pour reconnaître la portion australe de l'océan Atlantique. Quelque grande que fût cette entreprise, l'exécution m'en semblait possible et quand je communiquai le plan aux officiers, j'eus la satisfaction de voir qu'ils l'adoptèrent avec joie. Un grand nombre de personnes étaient toujours attaquées de violents rhumatismes qui les privaient de l'usage de leurs membres, mais le sang des malades était si froid qu'ils avaient peu de fièvre. Quoique l'usage de la choucroute eût empêché pendant le froid le développement du scorbut, cet aliment n'était pas assez nourrissant pour que nous puissions nous passer de biscuits et de bœuf salé. Mais le premier étant pourri et l'autre presque consumé par le sel, cette nourriture ne rendit au corps ni sa force ni sa vigueur. M. Forster, qui avait éprouvé des douleurs extrêmes pendant la plus grande partie de notre campagne au sud-est, eut des maux de dents, des fluxions, des maux de gorge et un malaise par tout le corps jusqu'au milieu de février. Quand il put enfin monter sur le pont, il était d'une maigreur effrayante. Le choc qui lui était salutaire me devint funeste. Le retour au nord détermina chez moi une obstruction dangereuse. La douleur augmenta tellement que je fus contraint de garder le lit et de recourir à une purgation énergique qui, au lieu de produire l'effet qu'on attendait, détermina un vomissement très violent. J'eus bientôt après un hoquet alarmant qui dura plus de 24 heures et fit désespérer de ma vie. On essaya tous les remèdes, ils furent inutiles. Je passai une semaine entière dans le danger le plus imminent. Les symptômes les plus dangereux de ma maladie ne se dissipèrent qu'après bien des soins. Quand je fus en convalescence, un chien appartenant à M. Forster, qu'il aimait beaucoup, devint la victime de mon appétit capricieux. Il n'y avait aucune autre viande fraîche à bord, et ne pouvant supporter aucune autre nourriture, j'eus du goût pour cette chair, ainsi que pour le bouillon qu'on en fit. Ce mets, qui aurait rendu bien des Européens malades, me donna de la force et avança ma guérison.